monde où parfait qu'on me disait quand la tempête passait sur moi. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Et midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. Tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort, un envoi du ciel. Je ne crois pas mon corps. Prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai portrait de ton père. Une daredevil, Nefertiti, des sensations, tu ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taillé. Pour moi, te dis à ta chum, check le gars avec des lunettes. Je vais te gager un rhum que j'y fixe le squelette. Et midi moins cinq, et la femme de ménage, elle a pas fait rien que compter les naufrages. Tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. Je suis l'océan qui veut toucher ton. J't'ai sauvé la vie dans que pays, dans une vie antérieure. La fois que j't'ai dit, va pas à Pompéi. C'est quoi d'abord, si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tordu le cœur. J't'arriverai d'avant que tu meurs. C'est pas pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent. Tu voulais-tu me tuer? Et midi tapant et la femme de ménage à cognant hurlant, je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle, je vais bénir la rue, je vais brûler l'autel. Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu?